Elle m'a joué câline. L'acte 3, le grand air. L'harmonie, mandoline, l'envol des filles de l'air. Et comme dans ce vieux film où il dit t'as de beaux yeux, elle m'a dit embrassez-moi et salut adieu. Oh, elle m'a écrit Céline, voyage au bout de la nuit, en larmes glycérine, tout en mélancolie. L'amour de cette nuit n'est plus celui d'hier. Tellement d'hommes dans ma vie, tellement d'amour à faire. 18 ans, 18 jours et un besoin d'amour. À ne plus s'endormir, à se laisser mourir pour n'importe quel homme d'un pont dans la Garonne. D'un pont dans la Garonne. Elle a pleuré, gamine, avant de s'envoler dans un avion de ligne Paris-Rome un aller. Et comme dans ce vieux film où il dit t'as de beaux yeux, elle m'a dit embrassez-moi et salut adieu. Elle m'a chanté divine la symphonie des sphères, des paroles enfantines sur une musique à faire. L'amour de cette nuit n'est plus celui d'hier. Tellement d'hommes dans ma vie, tellement d'amour à faire. 18 ans, 18 jours et un besoin d'amour. À ne plus s'endormir, à se laisser mourir pour n'importe quel homme d'un pont dans la Garonne. 18 ans, 18 jours et un besoin d'amour. À ne plus s'endormir, à se laisser mourir pour n'importe quel homme d'un pont dans la Garonne. D'un pont dans la Garonne.